Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour et bienvenue en ce vendredi et bon soleil. Malgré tout, ça se poursuit bien entendu, on en profite le week-end et la semaine prochaine avec moins de chaleur. Voilà, donc on en profite en effet, c'est toujours l'été, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais encore vous parler d'un livre. Je vais encore en parler à la rentrée, je peux pas m'empêcher de vous parler de livres. Il y en a tellement évidemment qui sortent et puis j'en reçois tellement et puis j'ai tellement envie aussi de mettre à l'honneur les personnes derrière ces livres, qui les écrivent. Nous vous présentons donc ce jour le livre de Marie-Isabelle Tassé qui s'intitule Contre vents et marées. Et nous ne présenterons pas que ce livre aujourd'hui, nous irons bien au-delà. Le but c'est vraiment de vous faire réagir, chers auditeurs, à partir de votre propre expérience et de vous demander d'apporter un témoignage sur la manière dont les romans d'aujourd'hui, les romans actuels présentant un lien avec le développement personnel, la pensée positive, vous ont donné des clés pour appréhender ou pour apprendre à vivre quelque chose, à vivre un changement, appréhender quelque chose, une souffrance peut-être, apprendre à mieux vivre une séparation, un divorce, un deuil, une maladie, la perte d'un travail, à mieux se comprendre aussi soi-même, mieux comprendre les autres, ça va avec, à mieux s'occuper de soi, accepter le changement. Nous reviendrons donc un peu, comme l'a déjà fait Émilie cet été, sur vos lectures de l'été. Mais ici, vous nous parlerez de ces lectures qui, au-delà du divertissement, vous donnent des réponses aux angoisses que vous vivez au quotidien, ainsi que des solutions, bien sûr, pour appréhender autrement vos souffrances. Quels sont les livres qui vous font du bien en ce moment, qui vous ont fait du bien? Quels sont ces livres qui vous proposent de partir à la découverte de vous-même? Et pas seulement ceux largement mis en évidence dans les médias, ceux dont tout le monde parle. Non. Parlez-moi de livres que je ne connais pas, que l'on ne connaît pas. Qu'il s'agisse de développement personnel, de pensée positive, de pleine conscience ou d'investigation psychologique. Et pour preuve, c'est sûr, le succès, bien entendu, rencontré par le thème 2016 de la Foire du Livre de Bruxelles, Le Bonheur est à la page. Au fil des conférences, les visiteurs, dont vous faisiez partie, d'ailleurs, Marie-Isabelle Tassé, se sont vus proposer à partir des différents types de lectures, de littérature envisagée, romans, essais, bandes dessinées, de réfléchir à une manière de changer positivement leur façon de réagir face aux difficultés de l'existence. Qu'est-ce que vous avez perçu là-bas? Qu'est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes? J'ai eu la chance de rencontrer Charles Pépin et Frédéric Lenoir au cours de différentes conférences et de pouvoir partager avec eux également mon expérience de vie. Ça, ce sont les connus, même très connus. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré des auteurs aussi un peu moins connus, qui comme vous ont un parcours un peu dans l'ombre, qui ne demandent qu'à s'ouvrir? Peut-être votre collègue Jérôme Collin. Oui. Voilà, dans Éviter les péages. Oui, vous m'avez dit, c'est un livre. Oui, tout à fait, où aussi, il n'est pas nécessairement à but psychologique, on va dire, qui fait réfléchir et qui aussi est dans la thématique de la liberté de choix. Quand vous avez choisi d'écrire ce livre-ci, Contre vents et marées, vous vouliez nous faire réfléchir. Voilà. Vous vouliez vraiment, je ne vais pas écrire un truc pour divertir, non, au-delà de ça, je vais les faire réfléchir. Bon, on va se plonger dans votre livre, bien sûr, qui met à l'honneur une héroïne, Contre vents et marées, 070 23 33 23, SMS 30 63. Donc, les lectures de l'été, les lectures vraiment qui vous font réfléchir au-delà du divertissement. Donc, vous lisez ça en disant, je vais me divertir, je vais passer un bon moment. Ah, mais quand vous avancez dans le livre, vous dites, finalement, ça percute, quoi. Allez, c'est parti pour cette émission. Donc, un peu encore dans l'été, c'est sûr, nous sommes et nous voulons le rester jusqu'à 15h. On y va. La vie du bon côté. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes

renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Simplicité sur toute la ligne. Découvre l'enseignement secondaire de la première à la Réto à l'Athénée Royal Les Marlères à Gosly. Unique dans la région. Évaluation personnalisée dès la première année. Les Marlères, c'est aussi les arts plastiques, assistants en pharmacie, technicien commercial, possibilité d'internat mixte dans un vaste parc. Plus d'infos, marlères.org. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Je ne suis pas seule, bien sûr. Marie-Isabelle Tassé, mon invitée, passionnée d'art, de cinéma, d'histoire, de littérature, de voyage, de psychologie. Oui, c'est tout. Fait. Vous dormez de temps en temps? Pas souvent. Vous puisez dans chacun de ces domaines vos sources d'inspiration. Vous êtes donc auteur de ce livre « Contre vents et marées ». Alors, par rapport à ça, vos récits, en effet, ne sont ni des traités de psychologie, dites-vous, ni des essais philosophiques, ni des témoignages de vie, mais à travers votre propre vécu, vous y mettez donc en avant, en effet, des personnages avec lesquels les lecteurs, donc nous pouvons nous identifier. Et Violette en est un exemple, évidemment. Donc, comment vous faites déjà au tout début pour savoir quelle direction vous allez lui faire prendre à votre personnage et comment est-ce qu'on va savoir s'identifier à Violette? En fait, tout se fait au fur et à mesure de la conception du récit. Il n'y a pas nécessairement une trame qui est définie dès le départ. Et puis, c'est au fur et à mesure aussi de mon expérience, de tout ce que je peux percevoir. Je me suis connectée, on va dire, en permanence à toutes les sensations. Mmh. Et c'est par ces sensations que je me nourris et ce qui nourrit mes récits. Mais vous vouliez qu'à travers ce roman, donc à travers le personnage de Violette, nous allions vraiment à la recherche de nous-mêmes, nous réfléchissions peut-être sur la liberté de choix qui nous est offerte. Parce que c'est ça finalement votre héroïne. Oui, en fait, c'est ce thème du destin et la liberté de choix ou non qui en découle et est un des thèmes principaux de mes romans. Oui. Parce que personnellement, je pense que les grandes lignes de notre vie sont toutes écrites et que la liberté réside en fait dans la manière dont nous allons appréhender les événements qui surviennent. Lorsque nous sommes confrontés, comme on disait, à la maladie, au deuil, à la séparation, on n'y peut rien. Le fait est là. Oui, personne ne choisit d'être malade, d'être. C'est sûr, on doit assumer ça. Voilà, tout à fait. Et devant cet événement, nous avons le choix de ne voir soit que les aspects dramatiques et négatifs de la situation. De rester dans ce contexte-là, voilà, oui. Et d'y laisser s'y embourber, ce qui en général, je pense, ne fait qu'aggraver les choses. Parce qu'il faut non seulement gérer le problème au quotidien, faire face aux difficultés financières, la perte d'autonomie, les traitements médicaux, la solitude si on est quitté, et en plus assumer le mal-être. Et donc... Donc vous vouliez une femme forte. Voilà. Parce que Violette, quelque part, dans son combat au quotidien, dans son histoire de vie, c'est une femme forte, une jeune femme forte. Pleine de peps, déterminée. J'aime bien, moi, Violette. Une vraie personnalité. Oui, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Oui, voilà. Elle n'a pas peur non plus. Pas de porte de derrière. Elle vit sa vie comme elle l'entend et dans une société assez compliquée pour elle. Oui, parce que ça se passe pendant la guerre. Voilà, tout à fait. La Première Guerre mondiale. Oui. L'histoire débute le 4 août 1914, le jour où la guerre est déclarée dans notre pays. Violette vit à Liège. Et elle est confrontée à cette situation de guerre et à la société dans laquelle elle vit à l'époque. Ça, c'est vraiment le contexte du livre. Yolande, vous êtes là, bonjour. Oui. Vous ne l'avez pas lu, le livre, hein, Yolande, vous ne l'avez pas lu. Hein. Non, je n'ai pas lu ce livre-là, mais tout ce que vous venez de dire et tout ce que votre invité vient de dire, je suis vraiment là-dedans, moi. Je m'en doute. Sans savoir, vous m'avez juste envoyé quelques mots, mais en disant, Sylvie, plusieurs romans m'ont beaucoup inspirée, j'ai donc commencé à écrire le mien. Yolande. Oui. Et vous suivez un peu le même cheminement? Vous voulez mettre en avant des personnages dans lesquels on va se retrouver? C'est ça, oui. Et en fait, j'ai lu j'ai deux derniers livres ici que j'ai lus pendant les vacances, qui étaient Ma vie commence demain, qui était pour moi un super beau livre, et Tout ce qu'on ne s'est pas dit de Marc Lévy. Moi, ça fait longtemps que je cherchais à écrire un livre parce qu'il y avait plein de choses en moi que j'avais envie de partager aussi avec tout un cheminement et toutes des expériences de vie. où j'ai compris des choses et que j'avais envie de partager. Et j'hésitais entre un livre didactique ou un roman. Mmh. Et j'ai préféré le roman parce que il y a une notion de détente. Et en même temps, qui vous amène sans aller chercher vraiment, tiens, je vais prendre ce livre, peut-être que ça va me faire du bien parce que je suis dans les problèmes. On se pose pas toutes ces questions-là. On rentre dans un livre, dans un roman, et il y a la détente qui arrive et qui vous amène petit à petit à se poser des questions existentielles ou avoir des réponses à des questions qu'on se pose et qui viennent comme ça naturellement. Et moi, je crois au signe de la vie, donc voilà. Non. Mais oui, et ici, le livre que je suis en train d'écrire, mais voilà, j'ai compris dans mon cheminement l'importance de parler des croyances limitantes. Mmh. et que ça pouvait vraiment, une fois qu'on avait compris, apporter des déclics. Et donc voilà, moi, mon héroïne, c'est ça, c'est une relation entre mère et fille, où pendant des années, elle a cru quelque chose qui l'a limitée dans plein de trucs et qui a vraiment empêché les relations avec sa mère pendant des années. Sa mère vient de décéder. Et elle comprend qu'elle a raté plein de choses. Donc vous avez déjà la trame de l'histoire, Yolande. Oui, je l'ai commencé. Vous l'avez commencé. C'est pas évident. Mais non, voilà, parce que... Dites-moi, oui, ce qui n'est pas évident. Ben, c'est pas évident parce qu'effectivement, on croit qu'on va imaginer le livre et en fait, non, pas du tout. Ah. Ce sont des... ça vient petit à petit en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, de petites choses comme ça... Qui viennent à l'esprit et que l'on sent vraiment à partir de ces expériences. Et c'est le livre, quelque part, qui me conduit. Il y a des moments où je suis perdue et puis je me dis, bon, c'est dur d'écrire un bouquin. C'est super ce que vous êtes en train de nous dire, Yolande. Je note, parce que je vais faire rebondir Marie-Isabelle Tassé, notre invitée, par rapport à ça. Cet livre qui me porte, c'est finalement un peu une thérapie. Hein, le fait d'écrire un livre, c'est comme ça que je le ressens. Yolande, merci pour votre témoignage. Vous nous tiendrez évidemment au courant de la suite. Quand vous aurez terminé votre livre, vous me l'enverrez certainement. Marie-Isabelle Tassé, notre invitée aujourd'hui, et vous qui témoignez. Et puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Juste après. Se balader, prendre l'air, oublier le solitaire. C'était la nuit ou le jour, juste après. Deux, trois mots d'une prière, plutôt rien, c'était comme un cadeau quand ça vous fait effet. Un accord de chocolat, elle a bien un truc comme ça, dans ces cas-là. Le registre d'un formulaire, son quotidien ordinaire, son fini un bouquin peut-être, une cigarette. Juste après, Frédéric Goldman et Jones, on vous demande de nous parler de ces lectures qui, en effet, au-delà du divertissement, vous lisez un livre et puis sans savoir vraiment ce que ça raconte, ou on vous l'a conseillé, on vous a dit « lis ça, tu vas voir, tu vas bien aimer hein, ». Tu vas bien aimer. Mireille, justement, nous dira dans quelques instants que c'est un livre qui lui a été recommandé par quelqu'un en lui disant « tu vas voir, tu vas te reconnaître, voilà, tu vas te retrouver dans beaucoup de situations. » Elle a dit en effet, je me suis retrouvée dans beaucoup de situations. Marie-Isabelle Tassé est notre invitée, donc elle vous parle de son livre Contre vents et marées, mais au-delà de ce livre, nous parlons en effet de ces lectures qui nous font du bien, les lectures du bon côté. 070 23 33 23 ou par SMS 50 centimes vos messages au 30 63. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNAS Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ECNAS.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Nissan, c'est de la barrière, votre concessionnaire à Bury-Pérouée. Nissan, innovation that excites. Charleroi, 350 ans. Concert RTBF. Win for Life, Vivacité et la ville de Charleroi présentent le samedi 3 septembre sur les quais de Sambre, Quai Fies. Avec dès 16h, Chantal Goya, l'arrivée du cortège, cover et jazz band, sold out, la drum battle de Marquis Aïn, Suarez et le feu d'artifice. Quai Fies, venez nombreux le samedi 3 septembre sur les quais de Sambre. Avec vous, Solidaris, Moustique et la Nouvelle Gazette. Jouez maintenant à Win for Life et gagnez jusqu'à 5000 euros par mois à vie. Win for Life, du fun for life. Vivacité présente les Showcases Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Mété lors du Beau Vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Mété. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. La région de Bruxelles Capitale, Vivacité et La Une présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre, avec la ville de Bruxelles et le soir. Vivacité présente la toute nouvelle édition du livre du Beau Vélo de Ravel. Découvrez l'itinéraire des 13 balades de cet été. Cartes détaillées, photos, astuces, bonnes adresses pour pique-niquer. Une mine d'informations. Le Beau Vélo de Ravel 2016, un ouvrage aux éditions Weyrich. En vente partout et sur la boutique RTBF. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Vos lectures qui, au-delà du divertissement, vous font le plus grand bien. Plus, encore une fois, que vous faire du bien, vous aide vraiment peut-être à vivre une situation difficile, une situation de séparation, une situation difficile familiale peut-être, une situation par rapport à la maladie, par rapport à un deuil que vous avez vécu. En tant que lectrice, dites-vous, Marie-Isabelle Tassé, vous dites « J'aime les narrations qui vont droit au but, qui ne se perdent pas dans les méandres descriptifs, qui ne détaillent pas par le menu les événements les plus banals de la vie quotidienne des personnages. Vous préférez en fait esquisser les caractères et les ambiances afin de vous concentrer sur les aspects psychologiques et relationnels. Et c'est vrai que j'ai lu ça en fait, j'ai lu vos notes juste après, mais je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est exactement ça, c'est vrai, vous faites pas de description, c'est vraiment le relationnel quoi qui importe. Oui tout à fait, en fait j'écris comme je lis en tant que lectrice, oui. Je n'aime pas lire des descriptions, voilà. mais j'adore Zola et Flaubert par exemple, mais j'ai une écriture sans vouloir m'y comparer, une écriture qui est tout à fait aux antipodes, parce que justement, oui, je préfère esquisser les caractères, les ambiances, en fait aussi pour permettre au lecteur de se plonger dans le récit avec sa propre imagination, ses propres représentations, et afin qu'il se projette dans ce récit. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Bon, vous et Yolande, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Yolande qui vient de témoigner il y a quelque chose, donc il y a quelques instants, elle dit « il y a plein de choses en moi que j'avais envie de partager ». Je suppose que vous aussi. Oui, tout à fait. Hein, vous aussi. Elle a hésité entre un livre, peut-être pas vous, mais un livre plus didactique et entre un divertissement, un roman divertissant. Elle en est venue à ça. Vous non, vous saviez que non. Vous alliez oui, vers le tout roman. À fait, oui. De toute façon, elle dit on va imaginer le livre et puis pas du tout. C'est le livre vous amène là où vous avez peut-être pas envie d'aller, mais c'est comme ça, vous devez suivre. Oui, vous c'est aussi vrai. Oui, ouais. Tout à fait. L'idée de base est là, et puis au fur et à mesure, on a l'impression qu'on va pouvoir l'amener d'un bout à l'autre dans un certain sens. Mais c'est l'idée qui fait de vous ce qu'elle veut. Ah, alors vous n'avez pas envie d'arrêter alors ? Ah ben non, jamais. Et comment vous faites pour arrêter ? C'est horrible. Il faut toujours continuer, passer d'un récit à l'autre. Oui, c'est ça. Vous vous dites, en fait, je vais m'arrêter là parce que son histoire, elle est finie là, mais je vais Il y en a d'autres, sur de toute façon, chose. Qui repartent. Oui. Mireille, bonjour. Bienvenue, Mireille. Bonjour, Sylvie. C'est une amie qui vous a prêté. Contente de vous retrouver. Eh ben, oui. De... Oh, j'étais pas loin, vous savez, j'étais un peu plus tard dans la tranche horaire. Un ami vous a prêté un roman pour les vacances en vous disant qu'elle avait pensé à vous en le lisant, en disant oui, lis ça, Mireille, oui. Tu vas te retrouver dans beaucoup de situations. En effet, oui, c'est vrai, je l'ai vraiment dévoré, ce livre, donc c'est Belle-grand-mère de Jeannine Boissard. Et alors, ça raconte la vie d'une jeune grand-mère, quoi, qui a, à mon avis, entre 50 et 60 ans, et qui reçoit toute sa famille, qui a plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants, mais d'une famille recomposée, etc., etc. Et alors, elle a toujours plein de monde à la maison, elle s'occupe de tout le monde, et psychologiquement, et pour nourrir toute la famille, et pour que tout le monde soit bien, elle écoute l'un, elle écoute l'autre. Et puis pour finir, elle se rend compte qu'elle, elle est un peu là au milieu du bazar et tout le monde compte sur elle, mais tout le monde, personne ne lui demande son sentiment à certains moments et elle dit, bon, maintenant, basta, un jour, je m'en vais et voilà, je vais un petit peu passer du temps pour moi seule, etc. Mais elle n'y arrive pas, quoi. Après deux jours, elle revient chez elle et elle dit, voilà, j'ai besoin de vous, quoi. J'ai besoin de tout le monde. Et... C'est vous alors, voilà. Mireille. C'est moi. Ouais. C'est une belle façon de vous dire, de savoir qui vous êtes, hein. Ça c'est clair. Oui, c'est moi. Ça vous fait réfléchir. Est-ce qu'au terme de la lecture, vous vous dites, je vais quand même leur dire à toutes ces personnes avec qui j'aime être, avec qui j'aime passer du temps, mais qu'en effet, on ne doit pas m'oublier, quoi. Je suis là pour tout le monde. J'essaye, mais c'est pas toujours facile parce que. Je ne veux pas faire de la peine non plus à certaines personnes de ma famille et j'ai des difficultés à dire non et à dire à me faire passer avant les autres, mais à certains moments j'essaye mais je n'y arrive pas très bien. Belle-grand-mère de Jeannine Boissard, c'est donc le livre qui met en avant Mireille. Il a été écrit presque pour elle. Voilà, Jeannine Boissard connaissait une Mireille quelque part, à mon avis, qui l'inspirait. 070-23-33-23 par SMS 3063 si vous souhaitez intervenir. Vous cherchez un enseignement maternel et primaire de grande qualité, un enseignement général, technique et professionnel à haut potentiel? Venez nous rejoindre à Orsini de Werp, l'Athénée Royal de Jumet. Inscription et permanence jusqu'au 5 juillet et à partir du 16 août, de 9h à 12h et de 13h à 15h, ou sur rendez-vous Athénée Royal Orsini de Werp, franchise et volonté. Toute information utile sur le site www.arod.be, arod.be ou au 071 25 69 00. Dit de vos où est les mens? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche un bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui, grillon! Oui! La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà! De vos les mens. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte.

au quotidien. Ah bah, ça me fait déjà super plaisir, Françoise. Et donc, vous avez vaincu votre timidité pour venir jusqu'à nous, pour nous parler aussi, C'est l'Everest. Non pas de ces émissions, mais continuez à nous écouter. Françoise, on vous fera du bien tous les jours. Mais de ces lectures aussi que vous avez faites, notamment un livre qui a aussi un peu l'Everest au niveau de vos lectures. Absolument. C'est quoi ce livre, Françoise ? Donc, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais très lentement, parce que ce genre de bouquin, ça se lit lentement, je pense. Il faut le digérer. Et donc, j'ai entendu une belle personne, ne me demandez pas qui, parce que, voilà, dans l'émotion, j'ai un peu oublié, mais qui a fortement insisté sur le conseil de le lire. Mmh. Donc, je n'ai pas hésité, j'ai été le lire. J'ai été l'acheté. Il est tout petit, il est condensé. Pour moi, c'est le meilleur de toute ma vie. La loi de l'amour. Oui, tout à fait. Et vous relisez ça de temps en temps, vous allez... Je viens de le terminer, en fait. Je viens de le terminer, mais rien qu'à me pencher, parce que je savais que j'allais vous parler, pencher sur le petit résumé. Mais c'est génial. Rien que ça fait du bien. Vous pensez qu'il vient un moment important, ce petit livre qui fait du bien, parce que vous dites à 150%. C'est ça aussi. Si vous dites que vous lisez beaucoup, enfin là je m'adresse à vous, Marie-Isabelle Tassé. Oui, pas beaucoup. Je lis très lentement, ouais. Mais j'ai toujours un livre. Mais vous avez toujours un livre, ouais, donc il y en a quand même. Donc voilà, malgré tout, vous ne faites pas un an avec un livre, Françoise. Non, quand même pas. Donc vous lisez quand même par rapport un livre à la moyenne. Par jour, comme vous, Oui, mais j'en lis pas un par jour non plus, faut pas croire. Allez, on va dire un à deux par semaine, mais parfois il y en a que je lis beaucoup plus vite que les autres. Mais Marie-Isabelle, c'est la question que je pose, j'allais vous la poser aussi, c'est vrai que parfois un livre arrive à un moment, au moment où on doit le lire, quoi. Oui, tout à fait, comme tout en fait, comme je tout. Pense. Et oui, bien sûr, comme rien tout. Rien n'est hasard pour moi, tout est destin, et voilà, rien n'arrive par hasard. C'est déjà pas un hasard que vous soyez là, parce que comme Françoise, vous m'aviez envoyé un SMS lorsque j'ai reçu Chantal Bowens pour son livre Écrivain à tout prix, pour parler un petit peu du parcours du combattant. J'avais témoigné de mon expérience. Voilà, de votre expérience de vie en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain vous aussi. Et puis, ben voilà, je vous ai dit envoyez-moi votre livre. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Vous êtes là et vous essayez quand même de le présenter le plus possible, ce livre. Ah oui, tout à fait. Donc vous allez dans les librairies, faire des séances de dédicaces pour en parler. Des salons, des foires littéraires, à la foire du livre de Bruxelles, c'est l'expérience. C'est ultime. Le palier de l'Everest, c'est vous, oui. C'est le Nirvana. Ça, c'est sûr. Et les rendus sont bons. Ça vous donne justement l'envie de continuer. Oui, tout à fait. Oui, d'aller c'est très dans enrichissant cette voie-là. De rencontrer ses lecteurs et de voir convaincre aussi de futurs lecteurs. Mais quand on entend Françoise avec toute l'émotion qu'elle a, c'est génial, quoi. Oui, tout à fait, il faut qu'elle lise votre livre. Ah, hein. Bon, contre vents et marées, ça se lit lentement, Françoise, c'est pour vous. Et d'ailleurs, je vais mettre les références du livre sur la page Facebook. Et si vous ne l'avez pas, Facebook, eh ben on vous vous raccrocherez pas tout de suite, on vous donnera les renseignements pratiques. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mettez pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin.

coaching aussi, le 6 octobre à Liège, à Mediacité. À Mons, c'est à l'auditorium Abel Dubois du centre RTBF. Il faut s'inscrire, bien entendu, il faut choisir son atelier, puisqu'il y a 4 ateliers pour la journée à Mons. Et c'est une conférence unique pour le 6 octobre. Il y a des liens sur la page Vivacité, sur le site internet, sur le lien de mon émission, ou alors le site Cap 48. Mais si vous nous envoyez un email, lavie-du-bon-côté@rtbf.be, si vous nous envoyez un SMS, si vous nous appelez 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 pendant l'émission, je note tout ça et je vous envoie tout ça, je m'y engage. Voilà, 48 euros, c'est symbolique, 48 euros au profit de Cap 48 pour le coaching en direct, pour l'émission en direct, mais surtout aussi pour goûter les produits de la PACW, parce que là aussi, on s'occupe de tout. Voilà, on vous reçoit avec les petits fours. Voilà, on est aux petits soins pour vous. Donc n'oubliez pas de vous renseigner, de vous inscrire, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, évidemment. L'info à suivre, c'est le flash de 14h. En télé sur la Une. La vérité si je mens. La vérité c'est Cornélia. La vérité, tu regretteras pas. Mais la vérité c'est normal. La vérité si je mens 3. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à quoi? Bah et oui, moitié. 3 fois plus de délire ce vendredi soir sur la Une. Oh putain les gars, ça y est, c'est parti. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Cette semaine, après être allé se rebooster en vacances, on est de retour chez vous. 15h-17h, aller-retour avec Philippe Geniaud. Vivacité à Mons. En toute complicité. Sur 97.1 FM. Au troisième top, il sera... 13h33. Oulala, toi ce midi, t'as pris du tiramisu, hein. Et maintenant, t'as du mal à tenir le coup. T'as l'impression d'avoir avalé un gnou. L'anti-coup de mou, c'est Nalou. Dieu, génie, démons, ils sont étranges, bienveillants, inquiétants, fascinants, monstrueux. Mais qui sont-ils? On croyait les connaître. Le Musée Royal de Marimont vous livre les secrets du Panthéon égyptien dans son exposition à découvrir jusqu'au 20 novembre avec Antenne Centre. Ce dimanche, IKEA, Willreich, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. Merci d'écouter Vivacité, les 14h. Et voici donc le flash de 14h, présenté par Julie Buron. Bonjour à tous. Le tirage au sort des poules de l'Europa League n'a pas gâté les clubs belges, loin de là. Le Standard jouera dans le groupe G avec l'Ajax, Celta Vigo et le Panathinaikos. Des adversaires tout aussi difficiles pour Anderlecht, versés dans le groupe C avec Saint-Étienne, les Allemands de Mainz et Kabala, club d'Azerbaïdjan. La Gantoise devra affronter le Shakhtar Donetsk, Braga et les Turcs de Konyaspor dans le groupe H. Enfin, notre quatrième représentant sera Genk. Lui, il est versé dans le groupe F avec l'Athletic Bilbao, le Rapid Vienne et les Italiens de Sassuolo. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés. Et puis Roberto Martinez, le nouvel entraîneur des Diables, a dévoilé sa toute première sélection en vue du match amical contre l'Espagne le 1er septembre. Et puis à Chypre, le 6, première étape des qualifications pour le Mondial 2018 en Russie. Pas de révolution dans l'équipe. On épingle les retours en sélection de Steven Defour, du gardien Mats Sels, de Kevin Miralas et de Thorgan Hazard. En fait, la surprise du chef se trouvera au bord du terrain. Roberto Martinez a recruté Thierry Henry comme nouvel assistant. Thierry Henry, l'ancien attaquant des Bleus de l'équipe de France, d'Arsenal et de Barcelone. Bref, un adjoint de poids qui intègre le staff de Roberto Martinez. Un mort et 4 blessés, c'est donc le bilan de cette explosion au centre sportif de Chimay. Les hommes de la protection civile et les pompiers ont enfin pu accéder au site. Autour du bâtiment, un important périmètre de sécurité est dressé. Pour l'instant, l'origine de l'explosion reste inconnue. Les pompiers auraient tout de même retrouvé des bonbonnes, 2 bonbonnes de gaz sur place. La saison touristique de cet été, satisfaisante pour Jet Air. Le tour opérateur a enregistré une hausse de 3,2%. au niveau des départs en vacances en avion en juillet et en août, malgré les attentats du 22 mars. Côté destination, l'Espagne détient la première place, suivie de la Grèce. La Tunisie reste en troisième place. En pourcentage, le Mexique et la Bulgarie enregistrent les plus belles croissances. Du côté de Thomas Cook, les résultats de la saison ne sont pas encore publiés, mais la saison a été assez bonne par rapport au contexte géopolitique global. La météo, pour de la fraîcheur, rendez-vous au littoral. Grâce à la brise du large, le mercure n'y dépasse pas 24 degrés. C'est en Gaume et en Lorraine qu'il risque de faire le plus chaud, 33 degrés annoncés. La nuit prochaine sera un rien moins chaude que la précédente, minima de 18 à 20 degrés. Le point RTBF Mobile Info, c'est avec Anne-Michel Blouberg. Et toujours les suites de cet accident impliquant deux camions, dont un est toujours en ciseaux sur le 403 tournée Bruges à hauteur de Dottigny. Le passage se fait via la bande d'arrêt d'urgence uniquement. La circulation est fortement ralentie en direction de Bruges. Pour rejoindre Bruxelles, des ralentissements également sur le 411 venant de Namur à partir de Jésus-Aigues, sur le 40 venant de Gand à partir de Ternat. Des problèmes également avec les suites de l'accident dans l'échangeur du carrefour Lyonnard. Même peu avant le carrefour. La bande droite est neutralisée dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à le 411 en direction de Namur. Accident du moins, les suites toujours sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Après le chantier de Forêt, le passage est difficile. La circulation est ralentie en direction de Mons et du côté du ring de Bruxelles. Vous pouvez rajouter encore une trentaine de minutes supplémentaires entre Bercelles et Forêt, donc dans les travaux en circulation intérieure. Et puis une zone de travaux vous ralentit, c'est sur le 25 Maastricht-Liège entre Visée et Cherat, une dizaine de minutes de perdu en direction de Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Vous nous parlez des romans qui donnent à réfléchir. Absolument. Au-delà du divertissement, avec Marie-Isabelle Tassé, Contre vents et marées, c'est le titre de son deuxième roman. Elle nous vient de Liège. Nous irons aussi dans quelques instants à Mété pour le beau vélo. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et oui, c'est demain. Il en restera encore trois, juste après. Liège notamment, votre région, votre ville. Nous serons à Liège le 10 septembre, la semaine prochaine à Péroué. Et la clôture, la dernière journée, dimanche sans voiture, ce sera le 18 septembre à Bruxelles. Donc après le site du Grand Ornu, le domaine de Farnières et le parc du Château d'Oupey, pour ne citer que ces endroits-là, le beau vélo de Ravel installera demain ses infrastructures dans un nouveau site d'exception, le circuit Jules Tachny de Mété. Et c'est là que sera donné le départ d'une balade de 32 km en direction de Fosses-la-Ville, où se déroulera la halte ravitaillement. Retour ensuite au point de départ. Et c'est précisément là que nous retrouvons Adrien Jovenot et le régisseur du beau vélo de Ravel, Francis Hubin. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Ici à Mété, nous sommes chaud-moulettes pour préparer le beau vélo de Ravel et surtout le grand week-end Cap 48. Francis Hubin, là c'est non-stop depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche soir de l'animation. En veux-tu, en voilà sur le circuit de Mété. C'est ça, nous sommes installés vraiment au cœur du circuit de Mété avec la scène, le chapiteau, toute l'intendance. Et nous vous attendons dès demain, 9h, pour le brunch, accueil, inscription. Et pour faire la balade, aux alentours de 13h, partir aux alentours de 13h, à vélo, avec une halte ravitaillement à Fosses-la-Ville, le place du Centenaire. On va pédaler le long du tout nouveau Ravel Rops, du nom de Félicien Rops, le peintre qui avait ici sa gentilhommière à Tosé, puis on va longer le très joli lac de Bambois. Nous aurons à l'arrivée le concert de Suarez. Suarez qui revient cet été, il y a le nouvel album et puis quelques dates pour chauffer la tournée, dont celle de ce samedi 27 août sur le circuit de Mété. Concert gratuit dès 16h. Dès 16h. Et les gens ne sont pas obligés de participer à la balade à vélo pour pouvoir profiter du concert et des activités aussi pour les enfants toute la journée sur le circuit de Mété. Toutes les infos sont en ligne sur rtbf.be/lebeauvélo. À demain, un samedi, les amis. Merci Adrien, à demain, bien entendu. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Et on met vos lectures du bon côté en ce vendredi. Les romans qui nous font réfléchir au-delà de nous divertir. Voilà. Avec Marie-Isabelle Tassé, auteure de ce livre Contre vents et marées, passionnée, vous êtes par l'esprit humain et ses mécanismes psychologiques. Vous avez vu donc dans l'écriture de ce récit, Marie-Isabelle, l'occasion de confronter raison et passion à travers le personnage de Violette, une jeune femme, fille aux prises avec la logique de son temps, celle du début du XXe siècle en guerre, qui considère la femme comme une écervelée et l'oblige à se cantonner à la gestion du domicile et à l'éducation des enfants. Donc c'est ça, encore une fois, l'intrigue, voilà, la trame du roman. Mais au-delà de cela, il y a bien entendu beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de réponses qui sont apportées. Comment avancer dans un monde soumis aussi au dictat des bonnes mœurs, quand les émotions ont fait sauter les barrières de la raison et que l'inconscient se révèle plus puissant que le discernement. Venez nous dire si vous avez aussi lu des livres qui, au-delà de leur trame, vous ont donné aussi envie de réfléchir, voilà, et d'avancer un petit peu plus encore sur vous-même. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et je vous l'ai dit en présentant les deux journées Cap 48 que nous organisons, nous avons vraiment envie d'aller à votre rencontre, chers auditeurs, et je parlerai aussi de cette heure-ci, de ce week-end en Baie de Somme, cette escapade, la vie du bon côté en Baie de Somme, que nous organiserons les 14, 15, 16 octobre, parce qu'on clôture vraiment dans quelques heures. Take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Avec Dangerous, ces romans qui vous font réfléchir au-delà du divertissement. Continuez à nous appeler, continuez à nous envoyer des SMS 30 63 ou 070 23 33 23 pour communiquer à ce sujet, interagir avec nous à ce sujet. Le site internet de Marie-Isabelle Tassé est sur la page Facebook si vous souhaitez avoir des renseignements pratiques pour son livre Contre vents et marées. En 1844, la commune de Jumet fondait un collège à la rue de Gosselies. En 1930, devenue école moyenne de l'État, Orsini de Werp, homme de cœur et artiste, lui donnait ses lettres de noblesse. En 2016, l'Athénée Royal qui porte son nom poursuit son œuvre. Fort de près de 2 siècles d'expérience, il ouvre une section artistique de transition dès la 3e année pour tous les élèves ayant réussi leur 2e secondaire. Info au 071 25 69 00. Vivacité, la ville de Soigny et son centre culturel présentent le multifestival gratuit Août en éclats. Samedi 27 dès 11h à Soigny, concerts, arts forains, marché du monde et village des enfants. Plus de 20 spectacles, Ulysse, Grand Georges, Charcot, Nicolas Testa. Info 067 347 428. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche cécée? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. En ce moment, chez Colruyt, c'est le Festival des Extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Ce samedi, toutes les tendances mode automne-hiver sont dans le magazine Victoire. XXL, transparence, cuir et paillettes redessinent une féminité qui s'affirme. Victoire Collector mode femme, ce week-end avec votre journal le soir. Demandez-le à votre libraire. À 15h, la vie du bon côté. Bon, si moi je souhaite vraiment aller à la rencontre de mes auditeurs, Marie-Isabelle, en organisant toutes ces escapades, et en Belgique et à l'étranger, bah vous êtes souhaité aller aussi à la rencontre de vos lecteurs. Tout à fait. C'est oui. Sûr, comme un artiste veut aller à la rencontre de son public. Voilà. En jouant sur scène, c'est normal, hein, c'est normal, nous ne sommes pas des gens de l'ombre. Vous faites donc souvent des séances de dédicaces. La prochaine est à Blegny. Oui, tout à fait. Le 15 et le 16 octobre, dans le cadre de l'Art de Livre, qui est l'un des endroits où vous pouvez découvrir les nouveaux auteurs de la région. Oui. C'est bien, évidemment, qu'il y ait des manifestations comme celle-là, pour vous faire connaître. C'est très important. Parce très que important, oui. Nous devons, nous-mêmes, dans le cadre de ces nouveaux écrivains, va-t-on dire. Que vous êtes, oui. Voilà, faire notre publicité. Et comment vous faites pour accrocher votre public? Comment vous faites? Ben, la détermination. Ici. Par ici, vous faites. Pourquoi vous et pas la voisine? Ben, pas... pouvoir de persuasion, je crois que vous connaissez. Comment vous persuader? Ben, j'essaye de leur présenter ce que j'écris. C'est des personnes qui s'arrêtent devant la couverture du livre, parce qu'elle est sympathique, la couverture. Oui, tout à fait. Malgré tout, une couverture... C'est la première chose qui attire l'œil, tout à fait. Oui. Et puis, j'essaye aussi de connaître leur centre d'intérêt pour essayer de voir si le livre peut entrer dans... Dans un futur achat, C'est la photo de qui, en fait? En fait, c'est une carte postale qui date de 1910. Et mes arrière-grands-parents entretenaient une correspondance quand ils étaient fiancés. Et alors, j'ai tout un album avec ces cartes postales et je trouvais que celle-là illustrait à merveille le récit. Ah, tout à fait, tout à fait. On voit bien les bigoudis, hein, sur la tête. Oui, c'est volumineux. À mon avis, avant, c'était une façon de boucler les cheveux, de toute façon. Encore maintenant, pour certaines personnes. Mais là, c'est vraiment très bigoudi, hein. Oui, mais c'est très joli. Et la fille est très, très, très jolie. C'est une superbe couverture. Je m'adresse à vous, Isabelle. Bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes attachée à l'Échevinat de la culture de la ville de Liège. Et c'est vrai que vous avez lu le livre. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, parce que la question que je viens de poser, c'est important, évidemment, de promotionner, de faire connaître tous ces auteurs. Oui, donc Marie-Isabelle Tasset, en fait, je l'ai rencontrée, j'écoutais ce que vous disiez juste avant. Donc c'est vrai que moi, elle est venue frapper à notre porte, elle nous a envoyé le livre, son dossier de presse. Et ce que je dirais, allez, on va y aller dans la sympathie, puisque le bien-être est aussi au rendez-vous de votre émission, mm-hmm. c'est que l'écriture de Marie-Isabelle Tasset, elle répond à son image aussi, et est en harmonie vraiment avec sa personne, en fait. Donc elle est dynamique et son écriture aussi. Donc elle est venue, je l'ai rencontrée, puis j'ai lu son livre, parce qu'on organise donc au niveau de la ville de Liège des apéros littéraires, donc une fois par mois, dans le cadre du musée Cursus, mm-hmm. donc, qui est situé dans le cœur historique de Liège. Et donc l'idée, c'est vraiment de promotionner des auteurs locaux, hein, donc dans un mouvement de lire local, de circuit court et de valorisation des artistes locaux. Donc c'est vraiment un désir au niveau du département et des chemins de la culture de pouvoir rencontrer nos artistes, ceux qui habitent près de chez nous, et qui puissent rencontrer les publics. Donc c'est vrai que quand Marie-Isabelle Tasset a proposé son livre, c'était aussi une opportunité féminine de pouvoir découvrir une nouvelle auteure qui est assez persuasive et qui a envie vraiment d'aller à la rencontre de ses lecteurs. Ah vous avez parfaitement résumé, hein. Franchement, Isabelle, ça fait plaisir. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais je vous rejoins tout à fait, Isabelle. C'est une écriture dynamique, en effet. C'est une écriture pleine de fraîcheur, Isabelle. Hein. Mm-hmm. Moi, je dirais pleine de fraîcheur. C'est vrai qu'on n'a pas d'âge quand on lit ça. Par Isabelle Tasset, moi, on a plus ou moins le même âge. Donc, je dis, on n'a pas d'âge. On se reconnaît dans le personnage de Violette, oui. même si on a deux fois son âge, ou peut-être trois fois son âge pour certaines, mais. C'est vrai, hein? Oui, on reconnaît certains éléments. Il y a des éléments au-delà de l'histoire. Bon, je suppose que vous avez déjà parlé, mais je n'ai pas entendu la première partie de l'émission parce que j'étais occupée, comme je disais. Au-delà de l'histoire, il y a vraiment ce personnage qui est dynamique, volontaire et qui n'a pas d'âge, finalement. Tout à fait, oui, absolument. L'idée de finalement pouvoir... pour ses passions, dépasser la raison ou écouter sa raison et mettre de côté ses passions, c'est quelque chose d'intemporel, quoi. Absolument. Qu'elle a mis en roman, enfin, dans son récit romanesque, et dépasser ce qu'on nous propose, une vie formatée pour finalement mm-hmm. prendre des risques et écouter ses propres envies, quoi. Mm-hmm. C'est un peu intemporel, quoi. Mm-hmm. Ben, on va revenir là-dessus, Isabelle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé ce sujet-là. Écouter ses envies, écouter sa passion, dépasser sa raison. Et c'est vrai que Violette, elle met bien ça en pratique dans son livre. On y reviendra sur ce que vous avez dit, Isabelle. Merci. 070 23 33 23 ou par SMS 3063. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No. sur Viva. Vous nous parlez depuis 13 heures de ces lectures qui, au-delà du divertissement, vous donnent des réponses aussi aux angoisses que vous vivez au quotidien, ainsi que des solutions pour appréhender autrement vos souffrances. Ces lectures qui vous font avancer, ces lectures qui vous font cheminer. Voilà, venez peut-être nous dire en effet que ce livre, au-delà du divertissement, vous a donné vraiment peut-être aussi des réponses à vos angoisses, à des questions que vous vous posiez, à une période pas facile que vous viviez, qui vous a permis en effet de la passer plus facilement. 070 23 33 23 SMS 30 63. C'est Samuel dans quelques instants qui prendra la parole. Il a eu aussi l'occasion, lui, de lire quelques livres qui l'ont beaucoup aidé à devenir lui-même. Donc il prendra la parole pour nous parler de ces lectures-là. Encore un choix. Ce week-end, Vivacité fête le retour de Céline Dion. Découvrez son tout nouvel album, Encore un soir. Jamais rien demandé. 15 nouveaux titres, tous chantés en français. Écoutez le Tip Top et ces années-là et tentez de remporter ce tout nouvel album ainsi que l'intégrale de Céline Dion. Encore un choix. Céline Dion est de retour. Ce week-end sur Vivacité. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti ! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise du manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Nissan, c'est de la barrière, votre concessionnaire à Bury-Pérouée. Nissan, innovation that excites. Vivacité, la ville de Mons présente la nuit des musées. Visite décalée, concerts, ateliers créatifs et numériques, soirée DJ, le vendredi 26 août de 19h à 1h. 10 musées montois s'animent pour une nuit pleine de surprises. Programme complet sur pôlemuséal.mons.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Parce que c'est encore un peu l'été, parce que c'est l'été. C'est pourquoi encore ? Parce que c'est l'été, parce qu'on n'est pas encore dans un état d'esprit rentré, peut-être, en tout cas en scolaire et pour les autres, parce qu'on a encore envie de profiter de ce soleil, évidemment, et de tout ce qui va avec, et parce qu'on a envie de parler de lecture, voilà, de lecture passée, de lecture à venir. Nous vous parlons donc de ces livres aujourd'hui qui vous font du bien. Chouette, Isabelle, il y a quelques instants, hein ? Oui, tout à fait. Qui a parlé de ce qu'elle faisait au sein de l'Échevinat de la Culture de la ville de Liège et sa péro littéraire. C'est vrai que ça se fait un peu partout. Une très belle initiative. Ah oui. Oui. Et dans un cadre exceptionnel, le musée Cursus. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Une belle chose à Liège, bien entendu. Et c'est vrai que, comme elle disait que Violette, on lui donnait pas, enfin, en tout cas, on se retrouvait un peu, quelle que soit la génération dans laquelle on était, quel que soit l'âge qu'on avait, on se retrouve tous un peu dans ce personnage. Oui, elle a quelque chose d'universel, puisque c'est le combat, on va dire, d'une femme qui veut trouver sa place dans la société, à une époque, bien entendu, où, en tout cas en Occident, c'était beaucoup plus compliqué qu'à l'heure actuelle. Elle est obligée de casser les codes de la bourgeoisie bien-pensante de l'époque, qui voit la femme, comme on disait, comme un enfant, et elle veut autre chose que l'alternative qu'on lui propose, donc soit d'entrer en religion, soit de rester gentiment à la maison et de s'occuper des enfants. Mmh, qu'elle aura, avec un homme qu'elle n'aime pas. Ouais. Elle va au-delà de sa raison, hein, puisque c'est la passion qui l'emporte, c'est sa fougue qui l'emporte, donc c'est ça aussi, on se sent un peu porté par elle, on se dit ah, « mais c'est exactement comme ça que je veux être ». Et c'est ça qui fait du bien. Samuel, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour madame dont j'ai oublié le nom. Marie-Isabelle Tassé. Samuel, vous avez écrit un livre. Très content de vous retrouver en tout cas. Vous avez écrit un livre. Oui. Non, pas encore, des bribes peut-être, tout doucement. Pas encore, ah, c'est pas vous alors, parce que j'aimerais bien savoir de quel Samuel il s'agit. Donc vous n'avez pas écrit de livre. Mais Samuel, vous avez par contre lu beaucoup des livres qui vous ont aidé à devenir vous-même. Tout à fait, oui. J'ai commencé par le livre de Thomas d'Ensembourg, oui. dont qui avait été votre invité à l'époque et qui avait parlé de son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et donc, il y a déjà quelques années de cela. Et ça m'a vraiment déjà ouvert un peu l'esprit sur qui je suis, comment je fonctionne. Et puis ensuite, j'ai lu des livres d'Yvon Dallaire. Et alors, ici récemment, un livre de Christine Petit-Collin qui est « Je pense trop ». Et là, vraiment, je me suis dit, je me retrouve dans ce qu'elle décrit. Je vois que tout ce que je ressentais est quelque chose qui existe. Je ne suis pas le seul à penser comme ça, à voir les choses comme ça. Mais donc ça rassure. Et... Ouais. Oui. Au-delà de ces livres qui sont écrits pour ça, mais est-ce qu'il y a des romans, des romans que vous avez lus qui ne sont pas spécialement écrits dans un but comme celui-là, que vous avez lus et dans lequel vous vous êtes retrouvé via des situations, voilà, c'est un roman que j'avais entre guillemets dû lire puisque nous étions obligés de lire pour l'école en humanité et j'avais lu donc la dernière chance dont je ne me souviens pas du nom de l'auteur et je l'ai relu il y a quelques années en étant adulte et j'ai pu redécouvrir une histoire qui m'avait touché à l'époque, dont je me souvenais pas trop bien, même si j'avais lu un peu en diagonale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a donné une leçon de vie, parce que c'est un jeune gars qui va passer ses vacances, entre guillemets, chez un ermite en pleine montagne et qui va devoir apprendre la vie un peu à la dure. Et c'est quelque chose qui me parle aussi aujourd'hui par rapport à mes enfants, parce que j'ai 3 enfants et je vois qu'ils sont dans un monde... surprotégés après ce qui s'est passé il y a 20 ans, l'affaire du trou, etc., par exemple, et où on leur donne beaucoup de matériel et de facilité au quotidien, et finalement, une petite cure de travail, entre guillemets, forcé, ne ferait tort à personne, enfin pour les enfants en tout cas. Enfin, donc voilà, ce sont des choses qui m'ont remué en tant que père, mais aussi en tant que moi-même, où je me dis, je cherche aussi de l'essentiel. Je pense un peu comme tout le monde. Madame disait justement avant que selon le témoignage, je parlais d'une dame, enfin qu'on peut se retrouver un petit peu tous là-dedans. Mais je me dis, finalement, on est tous semblables. On cherche tous la même chose, à s'épanouir, à vivre dans l'amour, dans son propre amour. On n'en est pas toujours convaincu, on ne le sait pas toujours. Mais finalement, ce qu'on recherche, c'est l'amour de soi, des autres aussi. Mais l'amour de soi, c'est primordial. Donc finalement, on est tous les mêmes. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. C'est bien dit, hein, oui, Marie-Isabelle. Oui. Ils sont bien mes auditeurs. Hein. Parfait. Oui. Bon, Samuel, vous continuez à nous écouter, bien sûr. Hein. Avec grand plaisir. Maintenant, je suis revenu. Ah oui. Merci d'être de retour. Ah je vous en prie. Merci d'être là aussi pour m'accueillir. Voilà, ça fait plaisir. C'est du win-win, hein, finalement. C'est comme ça aussi. Hein. Ce sont des échanges relationnels et c'est vrai que c'est chouette d'avoir ces auditeurs-là. Bon, on entendra dans quelques instants quelqu'un qui a aussi lu votre livre. Voilà. Et que vous avez rencontré, je pense, vraiment au hasard d'une séance de dédicace. Oui, ou, tout à fait. Voilà, qui viendra nous dire ce qu'elle a ressenti. 070 23 33 23, SMS 30 63. Voici Camélia Jordania. Combien de fois faut-il vous le dire avec style ? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Salon. Maquille. passion. Non, non, non, non, je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non, je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non, je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non, je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal, y'a pas de mal à ça. Peiner, manger que dalle, écouter Barbara. Peut-être tu reviendras. C'est un peu le contre-pied, hein, cette chanson. Je veux aller mal, laissez-moi. Non, non, non, je veux pas aller bien. Voilà. On parle exactement du contraire depuis 13 ans, mais elle est très sympa, cette chanson de Camélia Jordana, avec ce titre qui a bien fonctionné. Alors moi, je dis oui aussi à cette escapade, La Vie du Bon Côté en baie de Somme. Très belle région. Ah, oui. Vous connaissez bien? Oui, tout à fait. Saint-Valery-sur-Somme. Oui. C'est là qu'on sera pendant 3 jours avec 4 coachs, 4 de mes invités réguliers qui viendront donc nous accompagner, vous accompagner, et vous serez un beau petit groupe. On prend vraiment les dernières inscriptions, les dernières chambres disponibles. C'est l'hôtel Cap Horn qui nous reçoit. Vous connaissez l'endroit? C'est magnifique, c'est un superbe domaine, je connais pas du tout, hein. J'ai vu que des photos, je connais pas du tout. Ce sera les 14, 15 et 16 octobre, voilà, vous pourrez en plus profiter le samedi de petites excursions qui seront possibles. On vous a listé une liste d'excursions, c'est facultatif, donc vous venez surtout, puisque si vous vous inscrivez à ce week-end, la Vie du Bon Côté en baie de Somme, pour les conférences qui seront données vendredi, samedi, dimanche, les repas bien entendu, et les logements, et le logement, les nuits, donc tout ça est bien sûr compris dans notre petit package. Vous nous envoyez un email, la vie du bon côté, en un mot, @rtbf.be, un SMS, 3063, 50 centimes le SMS, on prend note de vos coordonnées, on vous rappelle bien entendu, ou alors je vous donne un numéro de téléphone, si vous souhaitez tout de suite avoir des renseignements, c'est le 0475 75 70 77, 0475 75 70 77. Vraiment, ne tardez pas, 14, 15, 16 octobre, parce que la semaine prochaine, on parle de notre croisière, grande croisière au mois d'avril, donc on aimerait bien évidemment fermer ce dossier baie de Somme et vous avoir avec nous, bien entendu, ne laissez pas passer cette opportunité, puisque la semaine prochaine, nous parlerons de la vallée du Douro, au Portugal, où j'espère vous serez aussi nombreux pour profiter de cette croisière qui se fera du 14 au 21 avril. Bien sûr, il buzz même très bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. Défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de Vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. Big Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatch de Quentin Mosiman? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. Vivacité à la Louvière, en toute complicité, sur 99.5 FM. Dans son spécial mode, Gaëlle reçoit l'influente créatrice Diane von Furstenberg. Découvrez les modèles et les tons qui ont séduit les acheteuses des boutiques, comme le chemisier à nœuds et les couleurs royales. Et pour pimenter vos looks, Gaëlle vous propose un clutch pile dans l'air du temps pour 2 euros seulement. Gaëlle, vous avez tout pour vous. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, de convertibles, de tours, de tablettes et plus encore. Et c'est uniquement maintenant jusqu'au 30 août inclus dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, j'en suis pas fou. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur Decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Ces livres qui nous font du bien, mais surtout ces romans qui ont pour but de nous divertir, mais qui malgré tout nous font du bien parce qu'on s'y retrouve. On se retrouve dans les personnages, on se retrouve dans les situations, dans les contextes, dans la façon de vivre en effet de l'un des personnages. Anne, bonjour, bienvenue Anne. Oui. Bonjour. Vous êtes rencontré... Bonjour à Marie-Isabelle. Oui, vous l'avez rencontré où? Voilà. Vous l'avez rencontré où? Ben, je l'ai rencontré, je ne sais plus, elle sera peut-être mieux que moi. L'école des arts et métiers. L'école des arts et métiers à Liège, c'était une porte ouverte de l'école et quelques auteurs liégeois étaient là pour présenter leurs livres. Oui. Voilà, c'est là. Et c'était au mois de mai, Voilà. Mm-hmm. Alors, vous vous arrêtez sur quoi? Sur la couverture, Anne? Comment vous choisissez un livre? Voilà, justement, c'était d'abord cette rencontre avec Marie-Isabelle qui a un regard lumineux. Et j'ai pris son livre, j'ai lu le quatrième de couverture et j'ai été séduite directement. Et la nouvelle, moi j'aime bien le genre de la nouvelle. Voilà. Ah oui, ok. Vous aviez lu son précédent ou vous l'avez lu après son précédent? Son livre Je l'ai acheté là et je l'ai lu. Oui, mais le rapidement précédent. Après. Ah, le précédent, non, c'est le premier que je lisais de Marie-Isabelle Tassé. Parce qu'elle en a un autre. Oui, elle l'a déjà. Ah, elle l'a aussi. Oui. Elle va le lire. Galets, oui. Les Petits Galets. Oui, Les Petits Galets, ça, je vais le lire. Je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Bon, alors, ce livre-ci, c'est vrai que c'est un petit peu le thème, le fil conducteur de l'émission. C'est un livre qui booste, hein, qui fait réfléchir, qui dynamise. Oui. Mm-hmm. Même s'il se passe, voilà, justement, c'est tout le mérite de Marie-Isabelle, je trouve, que de nous plonger dans cette époque de guerre et avec authenticité et simplicité et voilà, c'est ce qui m'a séduit. Voilà, j'ai lu récemment un livre, ce qu'on appelle le best-seller ou le roman de l'été. Oui. Où l'auteur nous emmène un peu dans des élucubrations. Eh ben, je fais la comparaison avec le roman de Marie-Isabelle Tassé où on est directement dans le sujet avec un respect du langage. Qui m'a séduite. Mais et puis j'ai été séduite aussi par le personnage de Violette, par son caractère et les prémices, ce sont les prémices de la libération de la femme, sans pour autant qu'il s'agisse de féminisme, mais plutôt de courage, de courage, de joie de vivre et de confiance en soi. Voilà, ce sont des valeurs qu'on retrouve, qui sont intemporelles et qu'on peut défendre maintenant. Voilà. Ah, parfait, c'est superbement bien résumé, tout ça. Merci Anne. En effet, là, on parle aussi de Violette. C'est vrai que l'écriture est devenue pour vous un besoin vital. Maintenant, encore plus, comment on parle encore plus de Violette, votre personnage? Est-ce que ça l'a fait vivre encore, encore oui, plus? Mais c'est là qu'elle prend vie aussi. Oui, au-delà oui. de ma propre écriture, c'est le fait que les lecteurs se l'approprient et voilà et lui inventent une histoire à leur façon. Ouais. Est-ce que vous mettez tous vos sens en éveil pour percevoir peut-être l'ébauche d'un autre récit? Oui, constamment. Ouais. C'est tout le temps, que ce soit en promenade ou le fait de rencontrer des personnes, tous mes sens sont en éveil. Et les personnages vivent avec vous? Ah oui, tout le temps, oui, aussi. Ils se construisent au fur et à mesure de mes expériences, de mes rencontres et un personnage qui a un certain type au départ peut évoluer vers quelque chose de très différent oui, c'est ça. Par la suite. 070 23 33 23. SMS 30 63. Donc si vous souhaitez vous aussi parler de romans qui, au-delà du divertissement, vous ont fait avancer ou réfléchir, bienvenue. 14h43, voici Céline Dion qu'on met à l'honneur ce week-end avec Encore un soir. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards.

Avec Marie-Isabelle Tassé, son livre « Contre vents et marées ». Marie-Claire nous écrit sur la page Facebook « J'ai lu cet été Sylvie, ne marche pas si tu peux danser ». Très chouette bouquin qui aide à se repositionner dans nos relations avec les autres et surtout qui aide à trouver la bonne manière d'aborder les choses. Je vous avais entendu Sylvie quand vous en aviez parlé avec Anne Van Stappen et ça m'avait bien intéressée, dit Marie-Claire. Jeuneux, elle écrit « J'ai lu et relu dernièrement sur un mois, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Titre que j'avais entendu dans une de vos émissions étant en dépression depuis plus d'un an. J'essaie d'y puiser les pistes pour m'en sortir et je vais le relire très vite. Voilà, ben j'aime vraiment beaucoup, en effet, mettre en avant ces livres connus ou ces livres un peu moins connus comme le vôtre, Marie-Isabelle, pour qu'en effet, chacun puisse y trouver son compte. Parce que c'est ça aussi, finalement. Un livre parlera plus à une personne ou qu'à une autre et un livre parlera plus à un moment aussi qu'à un autre. Nathalie, vous êtes d'accord ? Bonjour. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein ? Oui. Vous avez lu quoi, vous, Nathalie, dernièrement ? Mais en fait, je ne me souviens plus tout à fait du titre et je ne suis pas chez moi. Et, vous n'avez pas le livre. Et il me parla de cerisier. Il y avait ça dans le titre, il me parla de cerisier. Oui. Attendez, je vais aller voir. Oui. Vas-y, continue à parler. Et en fait, je déambulais dans une librairie pendant la vacance en France et je cherchais des policiers, je ne trouvais pas. Et puis j'ai vu ce petit livre tout fin. Tout mignon, la couverture est très mignonne, et alors il y avait une petite explication du libraire, et du coup j'ai pris le livre et j'ai regardé ce qu'il comportait. Et c'était un homme qui avait une trajectoire de vie, pourtant une super belle réussite financière et sociale, et qui avait rencontré des gens qui lui avaient apporté d'autres regards sur la vie. Et il avait compris que, malgré sa réussite, il était quand même animé de peur qui bloquait certains pendants de sa vie, surtout affectifs. Et une fois qu'il a compris ça, à travers deux, trois rencontres cruciales, eh bien, il a pu arriver à une maturité vraiment très, très enrichissante et très stable, avec un équilibre affectif avec sa femme. Et je veux dire que c'est quelque chose, c'est un livre que quand j'ai refermé, je me suis dit, waouh, ça m'a apporté beaucoup et j'ai embrayé avec un essai sur les peurs qui peuvent nous bloquer à certains moments de nos vies. Je l'ai trouvé, et je le conseille. Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne. Oui, c'est ça. Ah bah oui, je n'ai pas beaucoup de mérite, hein. J'ai simplement tapoté sur Google, il me parla de cerisier, j'ai trouvé. Antoine Page en est l'auteur, c'est un Français qui est né en 1971, voilà, et je ne sais pas si c'est son premier livre, mais l'intitulé, donc c'est « Certaines rencontres peuvent-elles changer le cours d'une existence ?» Eh bien oui. Assurément, voilà. Et le héros de l'histoire, c'est Paul Lamarche apparemment, hein. Paul qui pense que réussir sa vie se résume à réussir. Et bien, comme vous nous l'avez vendu, c'est vrai que ça donne envie de lire. Ah oui, je le conseille à vos lecteurs ou vos lectrices. Mm-hmm. C'est vraiment lisible pour des gens de tous âges et de tous sexes. Franchement, il se lit rapidement. Pas trop rapidement, parce que sinon, on n'en tire pas de bénéfice. Mais on ne doit pas se dire, oh, c'est un pavé, je vais en avoir pour un mois. Non, franchement, à recommander, même une fois qu'on a repris le rythme du travail, de l'école, etc. Vraiment à conseiller, les yeux fermés. Eh ben parfait, Nathalie. Voilà. Merci pour le conseil. Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne. Voilà comment on l'interprète ce livre, un roman tour à tour, parabole moderne de la découverte de soi, récit d'une amitié profonde et histoire d'amour incandescente. Bon, dans quelques instants, on rappellera un petit peu les coordonnées de votre livre, hein, Marie-Isabelle Tassé. On dira un mot sur votre éditeur, parce que c'est vrai que quand on est un écrivain, je pense que c'est très important la relation qu'on a en effet avec une maison d'édition. Donc si vous souhaitez encore parler d'un livre ou l'autre, 30 63 50 centimes